Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet-du-Pré 1860. Question 13. Des noms divins. De quelle manière les noms s'appliquent à Dieu? Du mot Dieu, que le plus excellent des noms divins est, celui qui est. 1. Pouvons-nous nommer Dieu? Nous nommons les êtres d'après la connaissance que nous en avons. Ne voyant pas Dieu dans son essence pendant cette vie, nous pouvons le nommer d'après la connaissance que nous en donnent les créatures, qui nous le présentent comme le premier principe, infiniment supérieur à elle. Mais les noms que nous lui donnerons n'exprimeront pas parfaitement son essence, qui est au-dessus de tout ce que nous pouvons concevoir par la pensée exprimée par nos paroles. 2. Y a-t-il des mots qui expriment la substance divine? Les théologiens professent unanimement que les mots qui s'énoncent d'une manière négative ou avec une idée de relation n'expriment pas, à proprement parler, la substance de Dieu. Ces mots, en effet, écartent seulement de l'être divin certaines imperfections, et marquent les rapports qu'il a avec les créatures ou plutôt que les créatures ont avec lui. Il n'y a divergence d'opinion que sur les mots affirmatifs et absolus. Ces expressions, par exemple, « Dieu est vivant »,« Dieu est bon », signifient-elles uniquement, comme le croit le rabbin Moïse, que Dieu n'est pas semblable aux êtres inanimés, ou qu'il est la cause de notre bien? Évidemment, elles signifient autre chose, car, quand l'homme s'écrie « Dieu vivant », il ne veut pas dire simplement « Dieu, qui donnait la vie ». N'en doutons pas, les noms affirmatifs et absolus signifient la substance divine, quoiqu'ils l'expriment imparfaitement comme les créatures la représentent. Leur acception dépend effectivement de la connaissance que nous avons de Dieu au moyen des créatures qui en réfléchissent les perfections, ainsi que les corps terrestres réfléchissent quelques rayons du soleil. Lorsque je dis « Dieu est bon », je n'entends pas seulement la cause du bien ou qu'il n'est pas mauvais, j'entends que ce qui est appelé bonté dans les créatures préexiste en lui d'une manière suréminente. Dieu, d'après cela, n'est pas bon parce qu'il produit le bien, mais, au contraire, il produit le bien parce qu'il est bon. De là ce mot de saint Augustin, nous existons parce que Dieu est bon. 3. Y a-t-il certains mots qui se disent de Dieu dans le sens propre? Dieu nous est connu par les perfections qui découlent de son être dans les créatures, perfections qui existent en lui d'une manière suréminente. Or, nous percevons ces perfections comme elles sont dans les créatures, et nous les exprimons telles que nous les percevons. De là deux choses à considérer dans les mots que nous appliquons à Dieu, les attributs exprimés, comme la bonté, la sagesse, la vie et autres qualités semblables, puis la manière de les exprimer. Sous le premier rapport, à l'égard des attributs exprimés, les noms se disent de Dieu dans leur signification naturelle plus proprement que des créatures. Sous le second rapport, leur mode de signification appartenant aux créatures plus proprement qu'à Dieu, ils ne se disent le plus souvent de la nature divine qu'au figuré, parce qu'ils renferment ordinairement dans leur signification la manière imparfaite dont les créatures participent aux perfections de Dieu. 4. Les noms de Dieu sont-ils tous synonymes? Pourquoi le seraient-ils? On a dit, tous les noms que l'on donne à Dieu signifient absolument la même chose, car la bonté est son essence, la sagesse est son essence, donc tous les noms divins sont synonymes. On s'est trompé dans la conséquence. Les noms de Dieu expriment bien la même chose, mais ils ne sont pas synonymes, par la raison qu'ils l'expriment sous des idées multiples et diverses. Quand Jérémie disait, « Vous, le fort, le grand, Le puissant, le Seigneur des armées est votre nom, Jérémie 32, 15, entendait-il que ces mots fussent synonymes? Et d'abord, pour ce qui est des noms qui n'expriment qu'une relation entre Dieu et les créatures, ou qui ne font qu'écarter de Dieu certaines imperfections, il est évident qu'ils présentent des sens divers selon les diverses imperfections qu'ils nient ou les divers rapports qu'ils affirment. Cela, de toute évidence, ne sont pas synonymes. Quant à ceux qui expriment la substance divine, ils ne le sont pas non plus, car ils désignent bien la même chose, si vous voulez, mais non pas sous la même idée. Il faut considérer, pour comprendre cela, que nous connaissons Dieu par les créatures. Or notre esprit s'en forme des conceptions proportionnées aux perfections qu'il voit dans l'univers. Mais, si ces perfections forment dans l'être de Dieu une unité simple, il est vrai aussi qu'elles sont multiples et divisées dans leur copie, c'est-à-dire dans les créatures où notre esprit les saisit. Conséquemment, les noms qu'on applique à Dieu, bien qu'ils ne désignent qu'une seule et même chose, l'expriment, cependant, sous plusieurs raisons diverses, et, par là même, ils ne sont synonymes ni pour notre esprit, ni en eux-mêmes. 5. Les mêmes expressions s'entendent-elles de Dieu et des créatures dans le même sens? Les expressions communes à Dieu et aux créatures ne s'entendent ni dans le même sens, ni dans un sens opposé, mais leur signification est basée sur l'analogie. Voilà ce qu'il faut expliquer. On ne peut absolument rien affirmer de Dieu et des créatures dans le même sens, si un effet ne demande pas pour sa production toute la vertu de sa cause, il n'en reçoit qu'une ressemblance défectueuse, de telle sorte que ce qui est multiple et divisé dans les effets peut former dans sa cause une étroite et simple unité. C'est ainsi que les perfections qui sont multiples et divisées dans les créatures préexistent à l'état de simplicité et d'unité en Dieu même. Articulons-nous un mot désignant une perfection de la créature, par exemple, le mot « sage » que nous appliquons à l'homme. Nous signalons cette perfection comme distincte tout à la fois des autres perfections et de la nature de l'homme. Mais, quand nous appliquons la même qualification à Dieu, nous n'avons pas l'intention d'énoncer un attribut distinct de son essence et de son être. Dans le premier cas, le mot « sage » enveloppe et contient pour ainsi dire son sujet, qui est l'homme, dans le second, il reste au-dessous de la chose signifiée, parce qu'il exprime une perfection qui dépasse tous les sens dont il est susceptible. Les expressions communes à Dieu et aux créatures ne s'entendent donc pas absolument dans le même sens. Cependant, elles ne changent pas essentiellement de signification en changeant de sujet, comme quelques-uns l'ont prétendu, car, s'il en était ainsi, il serait impossible de rien connaître sur Dieu et de prouver son existence par les créatures, puisque l'on tomberait à chaque instant dans le sophisme que l'on appelle ambiguïté des termes. Le philosophe lui-même viendrait s'élever contre une pareille doctrine, lui qui a démontré sur Dieu beaucoup de vérité, et saint Paul, de son côté, n'aurait pas pu dire, les perfections invisibles de Dieu sont devenues visibles par les choses qu'il a faites. Romains 1, 20. Il faut donc dire que les noms et les qualificatifs que l'on applique tour à tour à Dieu et aux créatures ne sont ni purement univoques, ni purement équivoques. Que sont-ils? Ils sont analogues, ou, en d'autres termes, ils se disent, avec proportion, de la cause et de l'effet. Je m'explique, nous ne pouvons nommer Dieu que par les créatures, comme nous l'avons vu plus haut. Dès lors, tout ce que nous disons de lui et des créatures est fondé sur les rapports de la créature au créateur, qui est le principe et la cause où se trouvent éminemment renfermées les perfections de tous les êtres. Les mots dont nous parlons dénoncent les rapports divers des créatures avec une seule et même unité, qui est Dieu. Note. Le lexique, tome 4, pour le mot univoque, nous dit, dans le même sens, de même nature. La cause univoque produit des effets de même nature qu'elle-même. Fin de la note. 6. Les noms appartiennent-ils à Dieu avant d'appartenir aux créatures? Je réponds par une distinction. Il y a des noms que l'on donne à Dieu par métaphore, figurément. Ces noms, n'exprimant que la similitude de Dieu avec les créatures, appartiennent à celles-ci avant de lui appartenir, je veux dire qu'ils ne lui appartiennent pas dans leur signification première. Si je dis, une riante prairie, je veux signifier que la prairie émaillée de fleurs est belle comme la physionomie que le rire fait épanouir, de même on dira que Dieu est un lion, pour signifier que le Tout-Puissant déploie la force dans ses œuvres comme fait le roi des animaux dans ses actions. Par où l'on voit que ces sortes de mots, quand on les applique à Dieu, ont une signification qui ne peut être déterminée que par le sens qu'ils offrent dans les créatures. Pour les mots qui ne sont pas métaphoriques, c'est autre chose. Saint Paul dit, « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute paternité emprunte son nom au ciel et sur la terre. » Éphésiens 3:14. C'est que les créatures empruntent de Dieu les perfections que ces mots expriment, et que ces perfections sont en lui primitivement. Donc, quant à la chose signifiée, ces noms se disent primordialement de Dieu, mais, à considérer leur origine, ils sont d'abord appliqués par nous aux créatures, que nous nommons avant de nommer Dieu. Et voilà pourquoi ils ont un mode de signification qui appartient aux créatures, comme nous l'avons dit précédemment. 7. Y a-t-il des noms qui se disent de Dieu sous une idée de temps? Saint Augustin observe avec raison que le nom relatif Seigneur convient à Dieu sous des rapports temporels. Il est certain que quelques-uns des noms divins qui impliquent relation avec les créatures conviennent à Dieu sous une idée de temps, et non de toute éternité. Dieu n'étant point compris dans l'ordre des choses finies, les créatures se rapportent à lui par une relation très réelle, sans que l'on puisse dire qu'il se rapporte à elle, car ses ouvrages sont ordonnés par rapport à lui, il ne l'est pas par rapport à ses ouvrages. Eh bien, les mots qui expriment cette relation peuvent lui être donnés sous des rapports temporels, non pas qu'il ait souffert aucun changement, mais parce que les créatures ont changé. Dans ses rapports avec les êtres créés, il peut être comparé à une colonne, dont on ne distingue la droite ou la gauche que par la position d'un être animé qui a une droite, la colonne se trouve à droite ou à gauche. Par le seul déplacement de l'être animé, sans qu'elle ait elle-même changé de position. Pour que Dieu soit Seigneur, il suffit que la relation de sujétion par rapport à lui soit réelle dans la créature. Il est Seigneur en réalité, comme la créature est dépendante en réalité. Il n'était pas Seigneur avant d'avoir des créatures pour sujet, mais cette nouvelle relation, qui permet de lui appliquer certains titres sous des idées de temps, n'implique aucun changement en lui. 8. Le mot Dieu désigne-t-il la nature divine? Quelle que soit l'origine de ce mot, qui a été emprunté à l'idée de gouvernement, gardez, on l'a consacré pour exprimer la substance infinie. Tous ceux qui le prononcent veulent désigner l'être suprême que tous les autres êtres ont pour principe, et qui est séparé de tout. 9. Le mot Dieu est-il communicable aux créatures? Ce mot est communicable par analogie, suivant certaines acceptions plus ou moins arbitraires, comme dans ce passage, « Je l'ai dit, vous êtes des dieux », psaume 61. Mais il ne l'est point dans sa signification réelle, en tant qu'il exprime la nature divine. 10. Le mot Dieu se dit-il dans le même sens de Dieu lui-même et des autres êtres appelés Dieu par participation ou par erreur? Ce mot, dans ses diverses acceptions, ne s'entend ni univoquement ni équivoquement, mais il se prend analogiquement, c'est-à-dire que le sens n'est pas absolument le même, ni absolument différent, mais qu'il est fondé sur une certaine ressemblance. Le mot Dieu, attribué à l'être qui est Dieu par nature, fixe la signification du même mot dit par participation ou par erreur. Quand nous le donnons à une créature, nous marquons qu'elle participe à la ressemblance de la divinité, et, quand nous l'attribuons à une idole, nous désignons une chose que la superstition élève à la dignité suprême. 11. Le nom, celui qui y est-il, avant tout, le nom propre de Dieu? Celui qui y est, voilà par excellence le nom propre de Dieu, il passe avant tous les autres. En voici trois raisons. Premièrement, ce nom, exprimant non pas une forme de l'être, mais l'être même, convient éminemment par sa signification à l'être qui y est, à l'exclusion de tout autre, sa propre essence. Secondement, il convient encore à Dieu par son universalité. Tandis que tous les autres noms présentent une idée plus ou moins limitée, il implique l'être tout entier. Moins les noms sont déterminés, plus ils expriment fidèlement l'essence divine, que notre esprit ne saurait embrasser. Or, celui-là, laissant tous les modes de la substance indéterminée et illimitée, nous la présente comme un océan sans rivage, et c'est pour cela même qu'il est propre à la divinité. Troisièmement, celui qui est signifie non seulement l'être, mais l'être toujours présent, et cette idée s'applique parfaitement à celui qui n'a ni passé, ni futur. 12. Peut-on former sur Dieu des propositions affirmatives? Une multitude de propositions affirmatives sont de foi, telles que celle-ci, Dieu est un en trois personnes, Dieu est tout-puissant. Donc on peut former des propositions affirmatives sur Dieu. Dieu est simple en lui-même, cela est vrai, mais notre esprit, qui ne peut le saisir tel qu'il est dans son essence, est contraint de le concevoir par des idées multiples. Comme nous n'ignorons pas que la diversité de nos idées se rapporte à une substance une et simple, nous sommes préservés de toute erreur à cet égard lorsque nous formulons les propositions affirmatives dont nous parlons. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.